Le dernier voyage de Sinbad, d'Eri De Luca, avec les acteurs du groupe 43 de l'École du Théâtre National de Strasbourg. Enregistré en public, le dimanche 16 juillet 2017, dans la cour du musée Calvé, dans le cadre du Festival d'Avignon. Notre mère qui n'est pas au ciel et qui embrasse les confins de l'île et du monde. Béni soit ton sel, béni soit tes fonds. Accueille les bateaux surbondés sans une route sur tes vagues. Les pêcheurs sortis la nuit, leurs filets parmi tes créatures, qui reviennent le matin avec la pêche des naufragés sauvés. Notre mère qui n'est pas au ciel, à l'aube tu as la couleur du blé, au couchant du raisin de la vendange. Nous t'avons semé de noyer plus que tout autre âge de tempête. Nous t'avons semé de noyer plus que tout autre âge de tempête. Notre mère qui n'est pas au ciel, tu es plus juste que la terre ferme. Quand même tu élèves des vagues murailles, tu les abaisses en tapis. Garde les vies, les visites tombées comme des feuilles dans l'allée. Sois pour elle un automne, une caresse. Une étreinte, un baiser au front. Une mère, un père avant le départ. Une mère, un père avant le départ. La nuit, un petit bateau, une cale où entrent un par un des passagers de fortune, des futurs citoyens d'Europe. L'embarquement terminé, une voix brusque dicte les premiers ordres. Malvenue à bord. Vous resterez dans la cale pendant toute la traversée. Les hommes ne sortiront qu'un seul à la fois et une heure par jour. Aucune des femmes ne sortira. Il y a des satellites qui vérifient jusqu'au bout qu'on a sur la tête. C'est clair ? Bien. Maintenant, je me présente. Je m'appelle Sinbad, marin depuis que le monde existe. Je suis le capitaine. Celui qui vous fera débarquer dans la gueule de l'Occident, de la civilisation. Vous verrez quelle civilisation, quel accueil. C'est là que vous voulez aller et moi, je vous y emmène. Mais sur ce bateau, c'est moi qui fais les lois et celui qui ne les respecte pas se retrouve à la mer. La bouffe passe une fois par jour. Si la mer est agitée, on ne mange pas, comme ça on ne vomit pas et on ne gaspille pas la nourriture. Pour se laver, il y a l'eau de mer à volonté, le seau est là, vous le descendez par cette ouverture sur le côté. Pour boire, 1 litre par jour et par personne. Il n'y a pas de toilette. Jetez dehors tout ce que vous évacuez. Capitaine Sinbad, il y a une femme enceinte, pleine jusqu'aux yeux. Probable qu'elle accouche à bord. C'est pas moi qui l'ai remplie. Qu'elle accouche, mais elle ne sortira pas de la cale. Nous sommes pauvres et prisonniers comme dans notre pays. Et nous avons même payé pour ça. Moi, j'ai payé pour la liberté. Peu importe comment je voyage, on peut aussi me mettre dans un cercueil pourvu qu'on me fasse débarquer vivante. La liberté doit bien être quelque part. Et si elle existe de l'autre côté de la mer, je la trouverai. Nous avons tellement souffert que là-dedans, ce sera des vacances. Les femmes sont plus à l'aise que les hommes qui sont perdus et ne savent pas où se mettre. Elles se répartissent les places vite et simplement et les aménagent. Elles sortent une ficelle qu'elles tendent pour y mettre un tissu en guise de séparation. Un chiffon sert à nettoyer. On aide la femme enceinte à s'installer là où il y a un peu d'air. Je ne veux jeter personne à la mer. Je veux vous décharger tous sur la terre ferme. Mais je ne veux pas vous entendre. Pas de dispute entre vous, vous êtes des caisses. C'est ce qui est écrit sur les livres de bord et ce ne serait pas la première fois que je jette une partie du chargement à la mer. Celui qu'on trouvera sur le pont sans permission finira dans l'eau. Capitaine Sinbad ? Qu'est-ce que tu veux ? Où est l'Orient ? Enfermé là-dessous, je ne sais pas de quel côté tourner ma prière. La proue est tournée vers l'Occident. L'Orient est en poupe du côté où tu entends le bruit des hélices. Merci, Capitaine Sinbad. Pas de merci. Le voyage sera long et vous serez nombreux à vous maudire de vous être embarqués. Remerciez votre Dieu qui vous a conseillé de vous mettre dans ce trou au milieu de la mer. Tant que nous ne serons pas au large, vous devez vous taire. Quand nous aurons la mer sous les pieds, alors vous pourrez parler, chanter, vous raconter vos histoires. La nuit, dans la cabine de commandement près de la barre du gouvernail, le capitaine écoute le maître d'équipage faire le compte des passagers. Des gens de peuple ennemi qui à terre se sont égorgés et s'égorgeraient tout de suite dorment ici côte à côte et se donnent même un coup de main. Quelle étrange humanité. À part les guides, il n'y avait personne d'autre au moment de l'embarquement. Quelqu'un qui n'a pas voulu monter au dernier moment ou quelqu'un qui n'est venu que pour accompagner? Personne. Il n'y a pas de témoins? Non. Tant mieux. Quand les migrations étaient légales, ils descendaient par milliers dans les cales de troisième classe et ils remontaient à l'air libre de l'autre côté de l'océan. À l'époque, le quai du port de Naples était noir de mer. J'étais chauffeur dans la salle des machines des paquebots. Les émigrants voyageaient mieux que moi, ils avaient de l'espoir. Moi, j'avais seulement envie de manger ma paye avec les putains de New York, des filles russes qui envoyaient au ciel les hommes qui leur montaient dessus. Je ne me souviens d'aucune. Seul mon nez a conservé l'odeur de leur savon de Marseille mélangé à ma sueur noire de charbon. De ces années de début du XXe siècle, je garde en mémoire le quai Beverello de Naples, noir de gens, qui saluait à vide alors que ceux de la troisième classe étaient déjà dans les grandes pièces sous le pont. Le bateau se détachait de la ville à la traîne des remorqueurs. Il partait le soir, les moteurs au ralenti, on pouvait entendre les voix qui appelaient encore de loin les beaux noms du sud. Un jour, alors que nous étions déjà à la hauteur du phare, détachés de terre, mais pas encore en navigation, j'entendis le cri. J'étais accoudé à l'arrière près de la bitte du câble d'amarrage. Je regardais les lumières des feux à gaz. Le silence était tombé comme un rideau baissé. Et soudain le cri. Un coup de couteau qui déchire un drap. Une femme que je ne pouvais voir cria depuis le quai le nom Salvatore, comme quelqu'un qui s'arrache la poitrine et fait sortir sa voix de ses tripes et pas de sa gorge. Elle cria en mer, en sirène, en chienne. Un nom arraché à son cœur et jeté au large en syllabes désespérées. Salvatore, Salvatore, Salvatore. J'ai appris la musique quand j'étais jeune et j'arrive à reproduire ce cri. Qui sait pourquoi la douleur se fixe mieux dans un solfège, dans une rengaine. En le répétant, j'ai à nouveau la chair de poule. Cette femme inconnue a cousu dans mes oreilles le nom d'un étranger et m'a laissé une cicatrice musicale dans la tête. Un nom seulement et c'est tout. Arrivé dans le tympan d'un marin indifférent qui n'était pas un facteur et qui ne pouvait pas apporter le message à ce Salvatore pour lui dire que sa mère l'appelait avec la dernière voix capable de l'atteindre, avec sa dernière force charnelle. Fallait-il qu'elle fasse aussi saigner mes oreilles? Maudite soit-elle, à chaque voyage, elle me revient en tête et me fait toujours aussi mal. Cette brûlure ne s'est pas atténuée, pas même d'un dixième de degré. À l'époque, les vies se brisaient sur un quai. De vrais adieux s'échangeaient, certains de ne plus jamais se revoir. On pouvait entendre le bruit des adieux, un bourdonnement de recommandations et un déboîtement d'os. Salvatore, Salvatore, Le vent se renforce. Une tempête approche. Préviens les passagers. Fais-leur bien attacher leurs bagages et dis-leur de rester couchés. Dans la cale, il y a beaucoup d'agitation. Hommes et choses roulent. On essaie de rester ancré à sa propre place. La tempête est violente et dure depuis longtemps. Un des hommes propose de tirer au sort pour savoir qui porte malheur et irrite la mer. L'un d'entre nous a semé le vent et a fait récolter la tempête à tout le monde. Aucun ne se dérobe à l'expérience. Ils la font avec des brins de paille. La plus longue désignera le coupable. Les femmes n'y participent pas. La paille la plus longue est tirée par un jeune garçon. Tous les regards se fixent sur lui. Je me suis embarqué pour ne pas aller à la guerre. Je fuis l'armée qui envoie se battre contre des villages. Tu es un déserteur ? L'un de nous a sûrement commis une faute plus grosse que celle-ci, s'il s'agit bien d'une faute. Parle pour toi. Le sort l'a désigné. C'est un sort de paille. Ne jure pas. Nous avons demandé et nous avons eu une réponse. Et toi, déserteur, tu ne dis rien ? Faites de moi ce que vous voulez. Décidons quelque chose. Sinon, on risque de tous mourir. Moi, je dis qu'il doit sortir. Qu'est-ce que tu dis ? Tu veux le faire mourir ? C'est vrai. Le capitaine a parlé clairement. Tant que je serai sur ce bateau, le garçon restera ici. Sinon, jetez-moi à la mer, moi aussi. En cas de vie et de mort, on ne décide pas la majorité. Si un seul n'est pas de cet avis, le garçon doit rester avec nous dans la cale. Tu es opposé aux armes, jeune homme. Tu es une colombe ? Un jour, il y a bien des années, j'ai connu un marchand de colombes pendant une tempête. Il s'était embarqué à Jaffa et voulait aller en Occident. J'étais alors un jeune moussaillon et quand les paquets de mer se sont abattus sur nous, on m'a mis sur le pont pour jeter l'eau des plus grosses vagues par-dessus bord avec un seau. Je rendais la mer à la mer. C'est ce que je pensais à chaque lancée pour me donner du courage. Voilà, reprends-la, elle est à toi. Je n'avais pas d'expérience et je tutoyais tout le monde. Le ciel, le vent et la mer. Puis la tempête se fit plus forte et on me retira du pont pour m'éviter d'être balayé par une lame. Le capitaine ordonna de jeter une partie du chargement. Des pierres taillées de Jérusalem pour un marchand qui voulait construire sa maison avec un matériau de terre sainte. Mais ce n'était pas le grief qui faisait se déchaîner la mer. Une croyance voulait alors que toute tempête est un coupable à bord. Le capitaine réunit l'équipage et les quelques passagers. Le marchand de colombes dormait si profondément qu'on dut le réveiller à coups de pied. Il s'appelait Jonas, ce qui veut dire colombe dans sa langue. On tira au sort et il fut désigné. Le capitaine l'interrogea devant tout le monde et il répondit qu'il était juif et qu'il s'enfuyait loin de son dieu appelé Elohim qui lui avait confié une mission spéciale, mais dans la direction opposée. J'étais un garçon impressionnable et sa belle voix de crieur de marché m'est restée. Jetez-moi à la mer et la tempête qui est sur vous se calmera. Gare à nous, dit aussitôt le capitaine. Jamais de la vie. Et il ordonna de sortir les rames pour tenter de gagner au plus vite la côte abritée d'une île. Les marins se jetèrent sur les rames de toute leur force, mais la mer poussait au large. J'étais trop faible pour tenir une de ces longues rames. Je voyais les hommes souquer ferme. Ils mettaient toute leur énergie à creuser la mer du plat de leurs rames. Ils piochaient de l'écume dans les vagues, mais cela non plus ne servit à rien. Au contraire, cela irrita encore plus la tempête et celui qui nous l'envoyait. Les vagues devinrent un troupeau enragé. Le grand mât craquait sous ses coups de corne. Le danger d'une fin prochaine nous guettait tous. Le capitaine et les marins retirèrent les rames, sortirent sous le pont, en soulevant Jonas au-dessus de leur tête. Ils crièrent au ciel : c'est ça que tu veux ? Un grondement de vent s'éleva et une vague plus haute qu'eux arracha le marchand de colombes à leurs bras et l'emporta en mer. Au même moment, la tempête cessa d'un seul coup. Nous nous retrouvâmes dans le calme plat le plus total, tandis que tout autour le tourbillon élargissait son cercle en écartant les vagues loin du bateau. Même si je vivais 1000 ans de plus, je n'oublierai jamais la terreur des marins devant cette accalmie. Les hommes courageux qu'ils étaient encore une minute plus tôt devinrent pâles et tremblaient. Plus que la tempête, c'était la peur de l'omnipotence, du souffle bouillant d'un dieu au-dessus d'eux qui les glaçait. Il y avait plus de violence dans le miracle de l'accalmie que dans le danger d'avant. Le salut peut être effrayant. Nous sommes restés dans ce calme, mieux qu'ancrés au port, tandis que le cyclone élargissait son anneau jusqu'à le dégager du doigt de Dieu, Nous regardions la mer pour chercher Jonas, le déserteur d'Elohim, mais rien. L'eau était immobile, fermée. Un marin jura avoir vu en poupe la queue en croissant d'une baleine, mais c'était une invention de sa terreur. Les baleines évitent les tempêtes. Combien de fois t'ai-je raconté cette vieille aventure ? 100 fois ? Vous la racontez quand il y a de la tempête ? Au milieu de l'adversité, il est bon de se rappeler quelque chose de pire. Capitaine Sinbad, un passager demande à sortir. S'il a le mal de mer, il peut se le garder. Non, capitaine. Il demande à sortir pour calmer la tempête. Qu'est-ce que tu dis ? Il dit que s'il sort, il arrêtera les vagues. Quel est le plus stupide, toi ou lui ? Nous avons embarqué un autre Moïse. À chaque voyage, on a toujours un qui délire. C'est le prix à payer. Et encore heureux qu'il n'y en ait qu'un. Et puis, la tempête s'y met aussi. Et elle n'aide pas à bien réfléchir. À Jérusalem, il y a un hôpital qui soigne les messies. Tous les ans, une dizaine de pèlerins se laissent impressionner ou prennent un coup de soleil, et chacun se met à hurler dans les rues en se prenant pour celui qu'on attend. Une dizaine par an, ils ont un service spécialisé en messie. Ici, on ne peut pas se le permettre. Les fous finissent en mer. À bord, la folie est contagieuse. Si on ne l'arrête pas tout de suite, elle sème la pagaille dans un bateau. Matelot, dis à ce Moïse que s'il sort de la cale, ou bien il arrive à calmer la tempête, ou bien il finit dans les vagues. Comme ça, l'envie de jouer au bras droit de Dieu le Père lui passera. Fais-toi entendre de tous les autres et on verra s'il y en a qui veulent faire le voyage à la nage. Oui, monsieur. Le maître d'équipage sort une figue sèche de sa poche et la mange. Puis, voyant que le capitaine le regarde... Vous en voulez ? Elles viennent d'Odessa. Hein ? Odessa. Merveille de la mer noire. J'y étais du temps de Mishka Yaponchik, le Robin des Bois d'Odessa. Le bandit qui protégeait les pauvres. Le tsar ne pouvait rien faire. Puis est venu Lénine et Mishka a été assassiné dans un guet-apens. Pour le nouvel ordre, ça ne collait pas. Quelle belle femme et quel fleuve. Une ville de mer placée entre deux colosses d'eau. Le Dniestr et le Dniepr, comme Bagdad, entre le Tigre et l'Euphrate. Odessa. La mer, c'est presque de l'eau douce et on y trouve les meilleures écrevisses de la Méditerranée. Sans la mer Noire et ses fleuves gigantesques, l'eau de la Méditerranée baisserait. J'ai vu le delta du Danube, du Don. Ce sont des montagnes d'eau qui s'embrassent. Odessa. Du vin. Des figues. Des bandits ? Capitaine, le fou est bien sorti. Matelot ! Capitaine Sinbad ? Tu lui as bien dit que nous allions le jeter à la mer ? Oui, monsieur. Il faut sortir. Courage, matelot. Au diable, le fou et la tempête. Le déserteur est appuyé au bastingage, les jambes écartées. Il fait face à la tempête qu'il a déjà trempée. Les bras levés, il hurle au vent qui ne diminue pas et qui se renforce au contraire. On dirait des bribes de conversation. Un duo entre le déserteur et le vent. Le maître d'équipage et le matelot arrivent derrière lui, l'attrapent chacun par une jambe et le lancent par-dessus bord. La tempête commence à faiblir. Ils rentrent tous les deux dans la cabine de commandement. À chaque voyage, on en perd un. Ou qui devient fou, ou que la mer emporte. Pourtant, j'ai connu un bon fou qui arrivait à nous calmer, nous, et pas les vagues dans les tempêtes. C'était Paul. Il venait de Tarse et on lui a coupé la tête à Rome. Il était sur mon bateau. 2 semaines de tempête au large de la Crète, à la dérive, sous les rafales de l'Orachion, un vent de nord-est. Il parlait beaucoup de langues, il rassurait chacun de nous. Aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau se perdra. Sa voix stridente et claire dominait la mer. En lisant ces lettres rassemblées à la fin du Nouveau Testament, je retrouve son cri volé aux mouettes, qui le lance, même contre le vent. Il était prisonnier. Il voyageait attaché, mais face à ses certitudes, c'était nous les détenus. Nous qui étions assiégés par les vagues et les terreurs. Lui en était affranchi. Quand un homme a un but et un destin, il va dans le feu sans se brûler, dans l'eau sans se mouiller. Puis il va à Rome et on lui coupe la tête. Les saints doivent la perdre. En somme, il arriva ce qu'il avait dit. Nous avons fait naufrage à Malte, le bateau s'est échoué, la proue ensablée, la poupe battue par les flots, puis éventrée. Nous avons gagné le rivage à la force de nos bras. Nous étions presque 300 et nous nous en sommes tous sortis. 300, capitaine ? Environ. Et tous, sains et saufs. Une chance extraordinaire. Grâce à lui. Lui qui nous avait donné confiance et nous avait même persuadé de manger quelque chose au milieu de la tempête. Car il y avait des jours que nous jeûnions. Ainsi, nous avons fait naufrage. Rassasiés. Simbad regarde fixement au loin, droit devant lui, et entrevoit le signe de la fin de la tempête. À l'avant, le ciel blanchit. Une brèche de jour est en train de percer. Dieu le Père s'est mis à découdre le sac. Dans la toute première lumière du nouveau jour passe une mouette en vol rasant dans la même direction que le bateau. La lumière éclaire son dos. De la cale, il la voit à travers l'ouverture sur le flanc. C'est la colombe de la paix. Si c'est une colombe après le déluge de cette nuit, ce bateau est l'arche de Noé. Si c'était vrai, alors nous débarquerions sur le rivage d'un monde vide qui commencerait par nous. Ce n'est pas une colombe, c'est une mouette. Comme elle est blanche, on dirait qu'elle est poussée par la lumière de l'aube. Elle bouge à peine les ailes. J'ai faim. Aujourd'hui, avec la mer calme, j'espère qu'on nous donnera à manger. Le jour à peine levé, un soleil bas, rouge. Dans la cabine de commandement, le maître d'équipage est au gouvernail, pendant que le capitaine, mal installé, essaie de récupérer un peu de sommeil. Vedette côtière à l'ouest! Vite, enfilez! Descendez-les en mer, tournons en rond doucement, moteur au ralenti. Aucun passager sur le pont, pas un bruit dans la cale. Dans la cale, le silence est devenu pesant. C'est lui qui a voulu monter. Personne ne l'a forcé. Nous ne l'avons pas chassé. Il a cru au tirage au sort. Il a cru être coupable de la tempête et que Dieu était fâché contre lui. Il a vu les femmes en danger, il est sorti pour les sauver. Ça n'était pas un déserteur. Il est sorti parce qu'il n'arrivait pas à rester ici, à l'intérieur, avec nos regards fixés sur lui. Les regards sont pesants. Les femmes regardent les hommes. Elles ont l'air sombres. Elles sont en train de les juger. Qu'est-ce que vous avez à nous regarder ? Dans la cabine de commandement. Le capitaine avec les jumelles. La vedette s'en va. Elle s'éloigne. Manœuvre réussie. Capitaine Sinbad, le filet est plein de poissons. Bravo, notre sœur la mère. Tu emportes la patrouille, tu nous offres à manger. Parfois, tu es vraiment très forte. Il y a sûrement plus d'un quintal de poissons. Il faut fêter ça. Descendons dans la cale avec les passagers et faisons-le cuire là-dessous. Eux aussi doivent remercier la mère. Donne-leur des couteaux et dis-leur de nettoyer le poisson. Un gros chaudron fume. La vapeur monte droit vers l'écoutille par où entre la lumière. La mer nous a sauvés de la tempête, du garde-côte, et elle nous a offert notre repas. Elle nous paie à tous de sa poche un plat de poisson. Nous devons remercier et faire la fête. Pour ça, il faut de la musique et de la danse. Chantons. Poisson est un cadeau de la mer. Tout le monde doit en manger, sinon elle se vexe. Il est abondant parce que la mer est riche. La récompense est à la mesure de nombreux dangers courus. Danse, l'homme. Danse. Tu es l'hôte de la mer, tu vas la vexer. L'homme se lève, obéit, danse avec rudesse. Rage, par saccades, les larmes aux yeux. D'où viens-tu ? Je suis kurde. Je viens d'un pays qui n'est sur aucune carte de géographie, seulement dans les pensées. Le Kurdistan. Je n'ai jamais vu la mer et je n'ai pas mangé de poisson jusqu'à aujourd'hui. N'aie aucun scrupule, si tu finis dans l'eau, les poissons te mangeront jusqu'à l'os et le poulpe se réfugiera dans ton crâne. Mieux vaut lui que la haine qui pèse sur nous. Mieux vaut la haine, l'homme. Mieux vaut n'importe quelle vie. Même une vie dans une cale sans voir la mer, c'est mieux. L'homme regarde au loin, droit devant lui, vers la mer, caché derrière les cloisons de la cale. Que crois-tu qu'il y ait là, Doha? Rien. Un désert de vagues qui vont où le vent se déplace. Un prisonnier connaît la prison mieux que le maton. Le malade connaît la maladie mieux que le médecin et la mer. Tu la connais mieux, toi, qui te trouves dans une pièce au-dessous de la surface de l'eau, mieux que moi, qui navigue depuis une immensité d'années. Dis-le-moi, toi, comment est la mer? C'est une allure de chameau. C'est une avalanche de vent. C'est un troupeau de moutons qui se jette dans un ravin poursuivi par les loups. C'est la peau d'une pomme de terre, pleine de nos yeux. C'est une marmite de poisson, une bouche qui saigne d'épines. Maintenant qu'elle est calme, elle fait le bruit du blé mûr abattu par la faux. Tu vois, tu la connais mieux que moi. Pour moi, c'est l'endroit où les terres s'arrêtent, où il n'y en a plus. Et tout le boulot consiste à arriver là où elle commence à nouveau. Où allons-nous? Au sec, l'homme. Tu as payé pour ça et tu l'auras, si Dieu veut. Inch'Allah. Im yirtse achem. Le soir, dans la cabine de commandement, le capitaine au gouvernail, le maître d'équipage entre. Capitaine Sinbad, la femme a accouché. Nous avons un autre enfant, Jésus. Dommage, l'enfant va pleurer et une fois à terre, les autres l'abandonneront. Il ne pleure pas. Il est mort. Fais le mettre à la mer. La femme veut l'emporter à terre. À terre, c'est un infanticide. En mer, c'est de la vie restituée. Prends-le. Et mets-le à la mer. Le capitaine reste seul. Le maître d'équipage revient. La femme demande de le mettre elle-même à la mer. Fais-la monter. Mets-lui une veste d'homme sur les épaules. Il naît parmi les clandestins. Son premier cri est couvert par les moteurs. On coupe son cordon avec les dents. On le confie aux vagues. Les matelots les appellent Jésus, ces petits, nés sous Hérode et Pilate à la fois. Rien de ces vies n'est une parabole. Aucun marteau de menuisier ne frappera les heures de l'enfance, puis les clous dans la chair. Il naît parmi les clandestins, le dernier Jésus. Il passe d'une eau à l'autre sans terre ferme. Car il a déjà tout vécu, et dire il a dit, il ne peut enlever ou mettre une épine de plus aux ronces de ses tempes. Il est avec ceux qui existent le temps de naître, il va avec ceux qui durent une heure. La cabine de commandement. Le capitaine et le maître d'équipage, la nuit. À 2000 de la côte, nous trouverons le bateau. Les matelots et toi, vous descendrez. Moi, je vous rejoindrai après. Quoi? Vous ne venez pas, vous aussi? On avait décidé de quitter le bateau, de l'envoyer s'échouer sur la côte qui n'est qu'une plage. Vous voulez le sauver? C'est trop dangereux. Non, le bateau s'échouera quelque part. Il est trop déglingué pour naviguer encore. Il ne tiendra même pas la moitié d'une tempête. Et alors? Vous ne pouvez pas vous mêler aux passagers. Si la gendarmerie les arrête, ils vous dénonceront. Je sais, je dois prendre le risque. Il y a de la houle, et même si je cloue la barre du gouvernail, les vagues peuvent tourner la proue vers le large ou vers les rochers. J'ai vu. Mais ça ne vaut pas la peine de rester à bord pour tenir le cap vers la plage où le bateau arrivera tout seul avec un peu de chance. Va. Et prépare-toi à descendre. Nous nous reverrons à l'endroit habituel. Le capitaine et le maître d'équipage s'apprêtent à se séparer dans la cabine de commandement. Dehors, il pleut. C'est la nuit. Il pleut et on n'y voit pas un mètre. C'est une nuit idéale pour débarquer. Tant de soif à terre et toute cette bonne eau gaspillée en mer. Si au moins elle était plus douce, mais elle est toujours amère. Ces gens que nous transportons et qui sont rejetés sont encore plus gaspillés que l'eau douce en mer. À terre, on a besoin d'eux. Pourtant, on les rejette à la mer. La terre ferme est plus folle que la mer. Nous allons débarquer sur le sol de l'asile d'aliénés Europe. Alors c'est décidé? Vous ne venez pas avec nous? Allez. Disons-nous au revoir et descendez le canot. Bonne chance, capitaine Sinbad. Encore plus pour toi. Ils s'embrassent et ne se disent rien d'autre. Ils sortent, ils disparaissent après avoir enjambé le bord du bateau. Sinbad met le moteur au ralenti, bloque le gouvernail, sort sur le pont. Il pleut. Il reste et se laisse tremper exprès, puis descend dans la cale. Un passager vient au-devant de lui. Capitaine, nous avons vu l'équipage qui quittait le bateau. Nous croyions que nous étions restés seuls, que vous nous aviez abandonnés. Nous sommes près de la côte, c'est pour ça qu'ils descendent avant. Il est inutile pour eux de courir le risque d'être arrêtés. Il suffit que je sois sur le bateau. Hommes et femmes, écoutez. Le voyage va bientôt se terminer. Nous allons débarquer sur une plage. Le bateau s'échouera, peut-être s'ouvrira-t-il comme une coquille, mais n'ayez pas peur, il se posera sur un faux fond. Nous descendrons à terre, et à ce moment-là, je vous quitterai. Voici la carte de la côte, avec les routes et les villages. Vous trouverez des braves gens, et des prisons. C'est une question de chance. Si vous êtes né sous une bonne étoile, tout ira bien. Sinon, enfermé quelque part, vous serez plus à votre aise que là-dedans, et vous mangerez quand même. Préparez vos bagages. Au bruit du moteur à bas régime du bateau, se superpose le bruit d'un autre moteur qui approche. Je ne peux vous donner un port. Vous n'êtes pas attendu. Stoppez les moteurs! Déclinez vos identités! Alors, en attendant d'arriver sur la plage, mettez-vous près de moi pour que je vous raconte une histoire. Vous êtes dans des eaux territoriales! Stoppez les moteurs et laissez monter à bord! Que disent-ils, capitaine Sinbad? Qu'ils viennent nous saluer. Qui sont-ils? L'Europe. Stoppez les moteurs, nous ouvrons le feu. Il était une fois à la cour d'un tyran, une jeune fille qui savait raconter les histoires. Le roi avait décidé de la tuer, mais elle, chaque nuit, le distrayait avec le récit d'une nouvelle aventure. Et ainsi le roi renvoyait-il la condamnation d'un jour sur l'autre. Une première explosion à l'avant du bateau, un éclair et une grande secousse. Des hurlements de peur parmi les passagers. N'ayez pas peur. C'est l'accueil occidental. Leur façon de vous souhaiter la bienvenue. Cet accueil ne me plaît pas, capitaine Sinbad. Ne vaut-il pas mieux sortir et aller à leur rencontre? C'est bien beau d'écouter mes histoires, mais on a tout le temps pour ça. Écoutons le capitaine. Il est resté avec nous. Il y a des moments où il faut perdre du temps. Le faire passer. Les histoires de la jeune Scheherazade lui servaient à rester en vie, à repousser l'échéance. Elle perdait du temps et ainsi elle en gagnait. Parfois, la vie dure le temps qu'on perd. La prochaine fois, on touche le bateau. Arrêtez-vous ou on vous coule. Pendant 1001 nuits, elle réussit à retourner, à détourner le roi de son intention de la tuer. Car alors, les paroles d'un récit produisaient le miracle de sauver la vie. Éclaire la scène, puis l'éteint. C'était le dernier voyage de Sinbad de Eri De Luca. Eri De Luca est écrivain et poète. Pour lui, l'écriture est une manière de rassembler les gens. C'est, dit-il, une façon d'être en compagnie et de rassembler les absents. La Méditerranée est devenue un grand cimetière marin. Nous entendons trop souvent dans les journaux des nouvelles terrifiantes sur le naufrage de bateaux qui n'en sont même pas, d'enfants, d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, noyés, bien avant d'arriver sur les côtes grecques ou italiennes. Eri De Luca n'a pas écrit un second voyage de Sinbad. Il a préféré, en 2017, l'écriture documentaire. Il a préféré intervenir dans la presse. Au printemps 2017, Eri De Luca a passé 2 semaines au bord du Prudence, le nouveau navire de sauvetage affrété par Médecins Sans Frontières. Il en a ramené un long reportage. Cet article a paru dans Le Monde le 11 mai 2017. Le voici, lu par les élèves du groupe 43 de l'École du Théâtre National de Strasbourg. À 6h du matin, à 18 milles de la côte libyenne, Pietro Catania, capitaine du bateau de sauvetage Prudence de Médecins Sans Frontières, me fait voir sur la carte marine 3 bateaux pneumatiques, signalés en partance dans la nuit des plages de Sabrata. Ils sont arrivés à 8 milles de distance. Je prends le premier quart de repérage à la jumelle. Le radar de bord ne suffit pas à signaler une embarcation basse, faite de caoutchouc et de corps humain. De l'autre côté de la proue, Mathias Kens, responsable à bord pour MSF, surveille le reste de l'horizon. On voit les lumières de la côte. L'aube est limpide. Les heures passent inutilement. Nous apprenons que les bateaux pneumatiques ont été interceptés par les vedettes libyennes et ont été contraints de rentrer. Ils étaient arrivés à 15 000, hors de la limite territoriale des 12 000. On aurait pu les laisser tranquilles. Ils sont déjà condamnés à mort s'ils font naufrage avant la limite, où nous ne pouvons intervenir. Mais les gardes-côtes libyens les ramènent à terre pour les enfermer de nouveau dans des cages. Pas tous. Un des canots remorqués se renverse. 97 personnes se noient. Quand il s'agit de vie humaine, il faut les écrire en lettres et non pas en chiffres. 27, en revanche, sont admises à la loterie du salut. À bord du Prudence, tout était prêt. Nous restons les poings fermés, sans pouvoir les ouvrir pour recueillir. Je regarde la mer ce soir, une étendue plate comme un tapis. On ne peut pas couler sans vagues. C'est une insulte à la mer que de se noyer quand elle est calme, quand il n'existe aucune force de la nature adverse à part la nôtre. Nous sommes les poings fermés. Je ne souffre pas de mal de mer. J'ai appris enfant à garder mon équilibre sur les vagues. Je ne souffre pas de mal de mer, mais ce soir, je souffre de la douleur de la mer, de sa peine de devoir avaler ceux qui naviguent quand elle est immobile. C'est une créature vivante, la mer, que les Latins appelèrent avec affection « nostrum », pour que nul ne puisse dire « elle est à moi ». Le bateau sur lequel je me trouve veut épargner à la Méditerranée d'autres fosses communes. À bord, j'ai apporté comme lecture l'Énéide. Battu par les tempêtes dans le même coin de mer sur les côtes de la Libye, Énée voyage loin de sa patrie en flammes. Il cherche l'Italie, qui lui a été désignée par une prophétie. Virgile parle de naufrages et de gens perdus en mer. Lui peut en donner les noms. Nous restons au large un jour et une autre nuit de veille. Tel est aujourd'hui les transports des vies sur la Méditerranée. Des croisières qui font des rondes et des radeaux à la dérive, confiés à l'arbitraire des autorités libyennes qui empochent de l'argent aussi bien des trafiquants que de l'Union européenne. Une bonne affaire pour elles. Pourquoi devraient-elles renoncer à un de leurs contribuables ? Un naufrage par-ci par-là, l'arrestation au hasard de quelques bateaux pneumatiques comme ça, pour faire semblant de respecter les accords. Les accords prévoient-ils les naufrages ? Jamais de la vie. Les accords admettent des effets collatéraux causés par les irréductibles qui veulent voyager à toute force. C'est vraiment ainsi, à toute force. Ils sont prélevés des enclos la nuit par groupe de 150 et contraints de monter sur un bateau pneumatique. Contraints ? Nombreux sont ceux qui voudraient abandonner face à l'obscurité et au risque absurde. Ils ne peuvent pas. Il y en a qui résistent. Ils montent sous la menace des armes. Un de ceux-là, récupéré dans un sauvetage précédent, avait un projectile dans la jambe. Les trafiquants les pressent, puis confient une boussole à un du chargement. Les passeurs ne sont plus là. Un des engins à grande vitesse mis à l'eau par le Prudence pour s'approcher des bateaux pneumatiques demande à celui qui tient la barre du hors-bord d'éteindre le moteur. Il répond qu'il ne sait pas le faire. Les passeurs ont mis en marche le moteur et lui sait seulement tenir la barre. L'engin à grande vitesse est contraint à l'abordage. Lionel, agent de MSF, se fait tenir par les pieds et de la proue, il se lance sur le moteur du hors-bord pour l'éteindre. Les passeurs n'existent plus. Dans le port d'Augusta, en Sicile, où je monte à bord du Prudence, se trouve un centre de premier accueil pour ceux qui débarquent des navires de secours. À côté, de grandes grues chargent de la ferraille dans des soutes en direction des fonderies d'Asie. Même les clous rouillés voyagent avec des papiers en règle. Les êtres humains du centre voisin, eux, sont un chargement hors la loi dans l'attente d'être refoulés. Les dernières procédures introduites par le nouveau mauvais gouvernement italien suppriment le droit d'appel du demandeur d'asile en cas de premier rejet de sa demande. Ils retirent le droit d'appel à ceux qui ont perdu tout ce qu'ils pouvaient déjà perdre. On écrit et on approuve chez nous des lois de cruelle incivilité. Des écervelés disent que les bateaux pneumatiques partent parce qu'il y a des navires de secours au large. Il y a 20 ans que partent des radeaux à moteur bourrés d'humanité désorientée. Le premier fut coulé à Pâques, en 1997, par un navire militaire italien qui avait l'ordre d'imposer un blocus naval illégal dans les eaux internationales. Il venait d'Albanie, son nom était Kater I. Rades. L'État italien s'en est tiré avec des indemnisations. Il y a 20 ans que des radeaux à moteur voyagent sur la Méditerranée sans aucun secours. Maintenant qu'il existe enfin une communauté internationale d'invention rapide en mer, ce serait de sa faute si les bateaux pneumatiques partent. C'est comme si on disait que les maladies existent à cause des médicaments. Si les dauphins venaient en aide aux disparus en mer, ces écervelés les accuseraient de complicité avec les trafiquants. En réalité, ils accusent les sauveteurs d'interrompre le déroulement normal du naufrage. Pourtant, nous sommes et devons rester des contemporains acharnés de la plus longue et massive noyade en mer de l'histoire humaine. Le lendemain à l'aube, nous recommençons à scruter l'horizon derrière les verres des jumelles. Nous savons qu'ils sont partis la nuit de Sabratha. Mon compagnon de cabine, Firas, d'origine syrienne, lit sur Facebook des messages en arabe où s'échangent ces informations. Nous localisons le premier bateau pneumatique, surchargé. Les hommes sont à cheval sur les boudins, il est à moitié dégonflé à l'avant. On met à l'eau l'engin à grande vitesse qui distribue tout d'abord des gilets de sauvetage. La vue des secours produit souvent une dangereuse agitation à bord du bateau. La mer est aussi plate qu'hier. À l'avant, Firas maintient le calme avec son mégaphone en expliquant les manœuvres suivantes. Quand ils ont tous enfilé les gilets, le Prudence s'approche et accroche le bateau à son flanc. Avec l'aide de bras robustes, ils montent à bord l'un après l'autre par une échelle de cordes. Certains ne tiennent pas debout à cause de la position forcée qu'ils ont dû garder sur le bateau pendant des heures. Des femmes enceintes et deux enfants en montent. Chacun reçoit aussitôt un petit sac à dos avec un survêtement, des barres énergétiques, des jus de fruits, de l'eau, une serviette éponge. L'équipe médicale les examine tous une première fois. Trois conteneurs sur le pont sont aménagés en unités hospitalières divisées en réanimation, premier secours, isolement pour les cas infectieux et une petite salle d'accouchement. C'est Stefano Geniere Nigra, jeune médecin turinois, qui s'en occupe. À bord du Prudence, on n'emploie pas les termes de réfugiés, migrants ou mots du même genre. On les appelle des hôtes. Ils reçoivent l'hospitalité la plus urgente, celle offerte à ceux qui arrivent du désert. À bord, on les traite avec tant de prévenance que l'anecdote de Giorgia Girometti, responsable de la communication, vaut la peine d'être racontée. Un Sénégalais d'âge mûr, recueilli lors d'un sauvetage précédent, était si étonné de cet accueil qu'il lui a demandé avec un sourire à quelle heure on servait l'apéritif. À bord, on sert des sourires. Je me penche sur le bateau pneumatique vidé. Le fond est maintenu par un panneau disjoint. Il a porté 129 personnes avec un petit moteur de 40 chevaux. De 6 heures du matin jusqu'au soir, on rejoint trois autres bateaux dispersés au-delà de la limite des 12 000 et on effectue le transbordement d'un bateau de sauvetage plus petit qui était à la limite de son chargement. À la fin de la journée, 649 hôtes se trouvent à bord. Le Prudence peut en contenir 1 000. C'est la plus grande unité de la zone. De l'Énéide, je n'avais retenu par cœur qu'un seul vers. Una salus victis, nullam sperare salutem. L'unique espoir pour des vaincus est de n'avoir aucun espoir. Il m'explique ce qui pousse la nature humaine menacée à prendre le pire des risques pour se libérer. Tant qu'ils sont sur ces chambres à air flottante, les êtres entassés et poussés au large ne se permettent aucun espoir, parce que c'est aussi une défaillance des résistances. Ils n'ont besoin que d'une pure obstination à survivre. Le soir, on fait route vers Reggio de Calabre, destination fixée par le commandement de Rome. Les hôtes, enfin en sécurité, nourris, réchauffés, se mettent à prier, à chanter, et ils dansent ensemble, des peuples de terres différentes et éloignées entre elles. Ils sont à bord, en direction de l'Italie. C'est la seule partie du voyage qui ne leur coûte rien. C'est le seul don, l'unique passage gratis venu à leur rencontre. C'est aussi le meilleur des transports. Ici, sur la mer, l'économie est bouleversée. Le pire des transports leur a coûté très cher. Le meilleur, en revanche, rien. Ils se réjouissent de leur libération. Ils sont jeunes. Pas un seul vieux parmi eux. Ils sont maigres. Des athlètes secs d'un marathon sans fin. Sélectionnés par la roulette russe des déserts, des prisons libyennes, des sauvetages de fortune. Combien de fois ont-ils été saisis au vol par un miracle ? Pourquoi la providence qui les garde en vie devrait-elle s'enrayer ? Ces questions ne leur sont pas permises. Que leur ange gardien soit encore dans les parages, ou qu'ils se soient enfin écroulés de fatigue, la volonté de continuer les fait tenir. Que puisse durer longtemps la bénédiction donnée par leur père ou leur mère, avec l'eau bénite de leurs larmes d'adieu. J'ai mon passeport avec moi. Aucun d'entre eux n'a de papier ni de bagages. Leur exil les a privés de leur nom. Leur identité, c'est d'être vivant et c'est tout. Leurs enfants, leurs petits-enfants voudront savoir, retrouver les impossibles pistes traversées, l'épopée légendaire qui aujourd'hui est un fait divers, en cas de massacre. Énième. Énième est l'adjectif obscène qui accompagne le titre, à côté du substantif neutre de naufrage. Énième. Le journaliste est fatigué d'avoir à compter, d'avoir à lever les sourcils pour la énième fois. Sur les bords du lac Kinneret, appelé Tibériade par les conquérants venus de Rome, le jeune fondateur du christianisme chercha ses premiers compagnons. Ils exerçaient le métier de pêcheur. Le jeune homme aimait les métaphores. Selon Matthieu 4, 19, il dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. » Me voici en un temps et sur un bateau qui applique à la lettre l'impulsive métaphore. Je suis avec des personnes qui se sont mises à pêcher des hommes, des femmes et des enfants. La Méditerranée est un lac de Kinneret salé et plus grand. Qui sont ces pêcheurs ? Par pure coïncidence avec l'histoire précédente, ils sont 13 à bord, mais sans un iscariote dans l'équipe. 4 du personnel médical, 3 organisateurs techniques, 3 interprètes et médiateurs culturels, une psychologue, une responsable de la communication et en plus le coordonnateur. Chacun a une expérience d'intervention avec MSF dans différentes parties du monde. Ils ont choisi la profession du secours et pour l'exercer, la compétence ne suffit pas. Il faut une catapulte intérieure, prête au lancer là où l'on crie à l'aide. Ils ont des passeports de plusieurs nations, mais leur titre est sans frontières. Ici, dans les eaux internationales, ils sont dans leur milieu. Quand leur présence est indispensable, les frontières ne s'appliquent pas. C'est pourquoi ils gênent souvent la conduite des gouvernements impliqués. Ils ont choisi de ne pas prendre de fonds de l'Union européenne. C'est pourquoi ils ne plaisent pas à son agence, Frontex, qui s'occupe de frontières en Méditerranée et ne supporte pas l'engagement d'organismes indépendants, même s'ils sauvent des vies qui seraient perdues sans eux. Ce millénaire à double distance de l'inventeur de la métaphore a inventé une étrange profession. Je suis le plus âgé à bord, même parmi les marins de l'équipage. Dans la république maritime de ce bateau, fondée sur l'égalité, l'âge moyen est beaucoup plus bas que sur la terre ferme. Même si je suis âgé, je suis novice dans l'entreprise. J'écoute, je donne un coup de main et j'absorbe le plus que je peux. Je continue ici aussi mes lectures de l'ancien hébreu. Quelques psaumes pour me réveiller, soufflant dessus un peu de respiration. Je sens qu'ici, plus qu'à terre, ils sont bons pour ma santé. Ils amplifient mon souffle, mélangeant mieux l'oxygène dans le sang. Plus que l'air marin, la cause en revient à ce bateau, qui est une parenthèse de pause et de calme dans la vie des personnes appelées des hôtes. C'est aussi une parenthèse de ma vie. Et peut-être que, pour moi seulement, ce bateau est une métaphore. Il me transporte tout entier. Tant que je suis à bord, seul compte le temps présent. Ici et maintenant. C'est dimanche matin quand le Prudence est en vue du port de Reggio de Calabre. Un jour de fête, trouverons-nous sur le quai le dispositif nécessaire au débarquement ? Le doute se dissipe à l'entrée du port. On voit d'abord, par leur nombre et la couleur de leur t-shirt bleu, les jeunes volontaires catholiques qui chantent des chœurs de bienvenue. Puis le personnel médical au complet, les fonctionnaires de police du service de l'immigration, les nombreux autobus pour le transport des personnes débarquées vers les différentes destinations. À tous ceux qui descendent le long de la passerelle, les volontaires donnent une brochure en plusieurs langues qui les informe sur leurs droits et leurs démarches, confirmant ce qui leur a déjà été expliqué à bord. Je descends et je reçois carrément les salutations du maire, venu sur le quai avec quelques adjoints. Je n'arrive pas à y croire. C'est dimanche, mais ils sont tous prêts à fonctionner avec efficacité, cordialité et respect. À Reggio de Calabre, me dit-on, c'est l'usage depuis 2 ans. Mathias Kens me confie que dans le port de Palermo aussi règne le même esprit de service dans les débarquements. Les hommes et les femmes descendent séparément. L'une d'entre elles regarde tout autour, un peu perdue. Une fonctionnaire de police fait demander par l'interprète ce qu'elle cherche. Il s'agit de son mari. La fonctionnaire part à sa recherche, le trouve et s'assure que le couple voyagera ensemble. On peut le faire. Concilier des formalités avec un sens d'humanité solidaire. Merci, Reggio. Le matin suivant, on est de nouveau en mer après un ravitaillement accéléré. On avance à grande vitesse, il y a une urgence dans la zone. Plusieurs bateaux pneumatiques sont partis, et sur place, le Phénix du MOAS, une organisation privée maltaise de sauvetage en mer, est déjà plein. Avec 9 bateaux pneumatiques autour de lui, c'est-à-dire 1000 personnes sans eau ni gilet de sauvetage. Ils sont reliés par une corde. Nous avons devant nous au moins 30 heures de navigation et une mer agitée qui nous ralentit. Nous ne pourrons pas arriver à temps. Un des bateaux cède et personne ne peut rien faire. Les trafiquants lancent les bateaux pneumatiques sans tenir compte de la présence des secours. La seule condition pour eux, c'est que la mer soit calme. Non par souci humanitaire, mais parce que 150 personnes, poussées par un moteur de 40 chevaux, n'arrivent pas à prendre le large si la mer est un tant soit peu ridée. À bord du Prudence, ces départs sont appelés des lancements, parce que propulsés par des lanceurs qui restent à terre. L'intensité des lancements d'avril est due au nombre important de vedettes que l'Union européenne va livrer aux gardes-côtes libyens et qui entreront en service en mai. Dans le doute, les trafiquants multiplient les lancements dès que les conditions météo le permettent. Le capitaine, Pietro Catania, et son équipage sont impliqués corps et âme dans ces opérations de sauvetage, parce que ce sont des gens de la mer. Ils ne comptent ni leurs peines, ni leurs heures. Ils ne font qu'un avec la jeunesse de MSF. En route, depuis Reggio de Calabre, le bateau se heurte au mauvais temps. Nous apprenons qu'il est resté un bateau pneumatique en dehors des 12 000. Nous sommes les moins loin, mais de toute façon, nous arriverons trop tard. Alors, de Lampedusa, qui est beaucoup plus au sud que nous, les gardes-côtes envoient 2 vedettes rapides qui arrivent bien avant et sauvent 143 personnes en les prenant à bord. Elles courent au-devant de nous et les transfèrent sur notre bateau. Les 2 équipages sont partis si vite de Lampedusa qu'ils n'ont même pas pris de nourriture pour eux. Ils sont à jeun. Les marins du Prudence les ravitaillent pour leur voyage de retour. 143 personnes gelées montent à bord, dont une femme au 8e mois de sa grossesse. Leurs yeux ont perdu toute expression interrogative de prière ou de mise au point. Ils sont encore en train de fixer l'horizon vide. Tu le sens à l'odeur, depuis combien de temps ils sont dans l'eau? Me dit Christian Paluccio, commandant en second. Je la sens fort, moi aussi, c'est du tanin. Une matière de tanneur, une sueur de cuir. Une fois reçu le petit sac pour se restaurer, ils se mettent en rang pour la douche, ils retirent leurs vêtements trempés de naufragés. Après le jet d'eau douce, encore plus douce pour eux, leurs yeux reprennent une expression. Ils cherchent les visages, commencent à demander des informations, à comprendre qui les accueille en sécurité. Et peu à peu viennent les chants, les rythmes et la danse contagieuse. Sur le Prudence, ils se créent une entente pour réconforter et un lien spontané entre personnes de terres différentes. Ils ne devraient plus se défaire. Le bateau devrait passer dans tous les ports de la planète pour contaminer la terre ferme. Je ne suis pas un adepte des tatouages. Ma surface retrace uniquement les signes des années. Mais les événements du monde qui m'ont impliqué physiquement ont gravé des tatouages sur la partie interne de ma peau. Je vis dans cette peau, je peux les percevoir et je les distingue. J'ai des dessins faits du côté qui ne se décolorent pas. Les 2 semaines passées à bord m'ont imprimé un nouveau tatouage, une échelle de corde qui pêche dans le vide. De son dernier barreau, j'ai vu surgir un à un les visages de ceux qui remontaient du bord d'un abîme. Entassés dans un radeau, ils gravissaient les échelons de leur salut. Ces centaines de visages, je n'ai pas le pouvoir de les retenir. J'ai eu l'absurde privilège de les avoir vus. Il me reste 2, l'échelle de corde dont ils ont escaladé les barreaux de bois, à moitié nus, les pieds nus. Le dernier voyage de Sinbad, d'Eri De Luca, enregistré en public le dimanche 16 juillet 2017 dans la cour du musée Calvé, dans le cadre du Festival d'Avignon, avec les acteurs du groupe 43 de l'école du TNS, Yannick Gonzalez, Hélène Morelli, Zachary Laurent, Mathilde Menetrier, Quentin Barbossa, Marianne Dehé et Jean-Céric Colleno de Melaner. Lecture de l'article par Pauline Audepin, Camille Daguin, Jean-Céric Colleno de Melaner et Zachary Laurent. Musique, Mathieu Bauer, Sylvain Cartini et Joseph Dahan. Prise de son, Christophe Michou et Hélène Langlois. Montage et mixage, Manon Houssin. Chargée de production, Sandrine Bréchaud. Coordination, Chloé Mauduit. Sonorisation, Tanguy Lecorneau. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Alexandre Planck. Le dernier voyage de Sinbad est traduit de l'italien par Daniel Valin et publié chez Gallimard dans la collection Le Manteau d'Arlequin.